Mais qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Des millions de personnes dans leur masse ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas leur place. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Tout chef d'État confondu pour le peuple devient une menace. Il n'a pas sa place. Pourquoi, comment sommes-nous arrivés là? Je ne l'explique pas, non, je ne comprends pas. Et les puissants restent impuissants devant ce fléau qu'est le pouvoir de l'argent. Un système mis en place qui menace notre race humanitaire ou monétaire. Ensemble n'ont pas leur place. L'argent appelle l'argent. Les riches s'enrichissent sous le dos des pauvres gens. Les politiques et leurs gouvernements nous promettent des choses une fois élus ne visent que l'armement. Plus t'as de cash, plus t'as de thunes, plus t'as de flouze, plus t'as de fesses, plus tu pèses et plus tu pèses. Plus t'as de cash, plus t'as de thunes, plus t'as de flouze, plus t'as de fesses, plus tu pèses et plus tu pèses. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et plus tu pèses. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Des millions de personnes dans la masse ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas leur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Tout chef d'État confondu pour le peuple devient une menace. Il n'a pas sa place. Où va le monde? Nos citoyens croulent sous les bombes, victimes d'armements de guerre, victimes de bombardements nucléaires, victimes de manœuvres militaires en Afrique. Boum boum boum éclat. En Asie. Boum boum boum éclat. En Amérique. Boum boum boum éclat. En Europe aussi. Boum boum boum éclat. En Océanie, sur les cinq continents, boum boum boum éclate. Nous sommes nos pires ennemis. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Des millions de personnes dans la masse ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas leur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Tout chef d'État confondu pour le peuple devient une menace. Il n'a pas sa place. Pourquoi faire la guerre quand on veut la paix? Pourquoi se battre quand on peut parler? Pourquoi vivre la guerre quand on connaît la paix? Pourquoi haïr quand on sait aimer? Pourquoi faire la guerre quand on veut la paix? Pourquoi se battre quand on peut parler? Pourquoi vivre la guerre quand on connaît la paix? Pourquoi haïr quand on sait aimer? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Des millions de personnes dans la masse ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas leur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Tout chef d'État confondu pour le peuple devient une menace. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Des millions de personnes dans la masse ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas leur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Tout chef d'État confondu pour le peuple devient une menace. Il n'a pas sa place.